Donc, on va commencer par la première question que j'ai reçue, qui est probablement vous êtes posée, que d'autres ont posée, c'est « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance s'il est un Dieu d'amour? » Pourquoi Dieu permet-il la souffrance s'il est un Dieu d'amour? Pour moi, là, il y a deux volets peut-être un petit peu à cela, c'est ce qui nous empêche de comprendre cela, c'est que nous avons des inconvertis qui nous ont posé aussi la question. Si Dieu serait amour, ben, il ne permettrait pas qu'on souffre, il ne permettrait pas les guerres, il ne permettrait pas les famines. Ce qui nous pousse à nous interpeller, c'est comment on définit l'amour, parce que dans notre vocabulaire à nous, dans notre jargon à nous, l'amour ne fait pas souffrir. Donc, notre définition de l'amour n'est peut-être pas la même définition que Dieu donne de l'amour. Donc, là, on a un problème avec ça. Parce que quelqu'un qui me fait souffrir, moi, je dis « tu m'aimes pas ». C'est ça que je dis dessus. Si tu me fais souffrir, tu m'aimes pas. Okay? On pense que Dieu, si Dieu fait souffrir quelqu'un, ben, c'est parce qu'il les aime pas. Mais ça, c'est pas équivalent. Ça ne s'est pas ensemble, cette affaire-là. C'est donc, il faudrait avoir une définition de l'amour pour pouvoir comprendre est-ce que l'amour peut faire souffrir. Dans notre langage, dans notre culture, la réponse, ce serait non. Ce serait non. Si on aime quelqu'un, il ne fait pas souffrir. Mais dans la Bible, on voit Dieu qui fait souffrir les gens. Puis la question, c'était pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Mais est-ce que Dieu le fait juste la permettre ou s'il la veut, la souffrance? Est-ce que Dieu veut que l'être humain souffre? Donc, on pourrait juste commencer par le premier volet, c'est d'où vient la souffrance? Quand est-ce que la souffrance a commencé? Par le péché. S'il n'y avait pas eu de péché, y aurait-il de la souffrance? Non. Il n'y aurait pas de souffrance. Donc, quand on dit que Dieu permet la souffrance, c'est pourquoi nous, on a péché et Dieu a venu comme conséquence la souffrance. Si tu manges de l'âme, tu mourras. La souffrance a commencé là. Maladie, la dégénération, la vieillesse, la souffrance a commencé dans la vie de l'être humain à cause d'un péché qu'on a fait. Mais la conséquence de la souffrance n'a pas été permise par Dieu, elle a été voulue par Dieu. Dieu a dit, si tu manges, tu souffres. Ou tu meurs. Donc, Dieu n'est pas comme une espèce de spectateur qui regarde les gens souffrir puis qui dit, oh ben, je vais permettre la souffrance. Non, il a voulu, il a programmé dans sa souveraineté que quand l'homme pêche, il souffre et il meurt. Comme vous autres, en tant que parents, des fois, vous avez dit à vos enfants, si tu fais ça, il va arriver ça. L'enfant fait un choix, il va faire son choix personnel, mais la conséquence, c'est qui l'a mis? C'est vous. Et Dieu, lui, dans sa souveraineté, dans sa divinité, a décidé que si l'homme mangerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait, donc il souffrirait et il mourrait. Donc Dieu ne permet pas la souffrance, mais a voulu la souffrance. Mais est-ce que la souffrance, c'est... Ça révèle deux facettes de la personnalité de Dieu. Une facette de la personnalité de Dieu qui est révélée par la souffrance, c'est sa justice. Dieu ne peut pas permettre le péché ou laisser le péché arriver ou voir le péché et ne pas réagir. Il n'est pas capable. Dans sa justice, il va mettre de la souffrance au péché. Tu manges de l'âme, tu meurs. C'est de la souffrance. Et les gens aujourd'hui souffrent dans notre société, nous souffrons, et souvent on cherche une raison de notre souffrance en dehors du péché, mais ultimement, vous allez être obligé de revenir au péché pour expliquer votre souffrance. Même notre souffrance physique, si vous reculez un petit peu, vous êtes obligé d'arriver à dire, c'est parce qu'on a péché qu'on souffre physiquement. Dans le ciel, il n'y aurait plus de péché, et il n'y aurait plus non plus de souffrance physique. Donc, la souffrance révèle la justice de Dieu. comme l'ultime souffrance, ça va être la séparation avec Dieu pour l'éternité. Mais ça, c'est la justice de Dieu qui veut ça. Et l'autre facette qui est révélée par la souffrance, c'est l'amour. Et celle-là, on ne la veut pas. On l'aime moins. Savez-vous que c'est la souffrance qui fait que l'homme se tourne vers Dieu? Donc, la souffrance, c'est de l'amour. Dieu a mis la souffrance comme conséquence au péché ou à la désobéissance de l'être humain pour que l'être humain revienne à lui. Nous, dans notre nature humaine, dans notre contexte social, on essaie d'enlever toutes les souffrances possibles de notre vie. Et même en tant que parent, à cause de notre, on est un peu perturbé en tant que parent, on voudrait enlever toutes les souffrances à nos enfants. Mais pourtant, la souffrance est utile à leur formation. Et même en tant que parent, vous n'avez peut-être même imposé à vos enfants la souffrance. Par amour. Vous mettez des souffrances pour... Moi, ce que j'ai dit à mes enfants, souvent, c'est « Papa vous punit pour vous éviter de souffrir plus. » Je vous mets une souffrance petite pour vous éviter d'avoir la grande souffrance d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Donc, Dieu fait la même chose. Dieu met des souffrances dans la vie des êtres humains pour les aider à ne pas aller vers la grande souffrance qui est l'enfer, qui est la séparation avec Dieu. En théologie, on appelle ça des jugements partiels pour éviter le jugement final qui est l'enfer, la séparation avec Dieu. Donc, quand Dieu envoie le déluge, quand Dieu envoie selon les morts, quand Dieu envoie la maladie, la mort dans la race humaine, c'est pour que l'être humain arrête, se tourne vers Dieu, se repente, et se convertissent, et se tournent vers Dieu, et que Dieu ultimement, finalement, le régénérer, le ressusciter, et l'amener avec lui dans les nouvelles cieux de la terre. Donc la souffrance, il ne faut pas l'éviter, je ne dis pas qu'il faut la courir après, là. Pas ça, mais il faut la voir comme un allié, ou non pas comme un ennemi. Dieu s'en sert dans notre vie, pour notre bien-être, surtout en tant que chrétien, il s'en sert pour nous. Mais pour l'inconverti, il s'en sert dans le but que l'inconverti se revienne vers lui. Si Dieu n'envoie pas la souffrance dans la vie des inconvertis, moi je dis tout le temps, ils vont tomber en enfer en rien. Mais ils vont tomber en enfer pareil. La souffrance permet à l'être humain de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Exemple. Dans votre vie physique, quand vous avez mal à la tête, ça veut dire quoi? Le médecin va vous dire, ça veut dire quelque chose qui ne marche pas bien dans ton corps. C'est un système d'alarme, la souffrance. Vous avez de la souffrance au niveau de la peau. Vous piquez un petit peu, aïe, aïe, qu'est-ce que tu fais? À cause de la souffrance, tu tiens ta main de la souffrance. L'aiguille arrive, tu fais ça comme ça. Mais si tu n'as pas de souffrance, on regarde ceux qui font de la maladie qui est. La lèpre. La lèpre, ils perdent la souffrance, ils peuvent se tirer sur l'oreille, ils vont s'arracher l'oreille. Et il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus de souffrance au niveau de la peau. Et la souffrance, c'est un moyen qui dit à l'être humain, il y a quelque chose qui fonctionne mal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et là, dans la souffrance, nous cherchons une solution. Quand j'ai mal, dernièrement, je ne voyais pas bien l'œil, je suis allé voir l'optométriste m'envoie voir quelqu'un, finalement, je sais que j'ai une cataracte, il faut que je me trompe. Mais c'est la souffrance qui fait que je vais voir une solution, je cherche une solution, je ne la trouve pas en moi, bien, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? L'être humain devrait trouver la solution en Dieu. Donc la souffrance, ça reflète les deux facettes de Dieu, justice et de l'amour. Donc, quand les gens vous posent la question, pourquoi Dieu permet la souffrance ou veut la souffrance, dites-le, c'est parce que Dieu est juste et Dieu est amour. C'est pour ça qu'il permet la souffrance à le monde. Sans ça, on ne serait pas capable, on ne voudrait pas, on ne chercherait pas une solution à nos problèmes. Et remarquez, toutes les religions du monde sont inventées par l'être humain pour éviter la souffrance. L'être humain cherche une solution à sa souffrance et il va s'inventer une religion pour en sortir de cette souffrance. Mais Dieu lui dit, la solution à votre souffrance, c'est moi. C'est moi à travers Jésus, c'est moi à travers le salut, c'est moi à travers les nouveaux cieux, nouvelle terre, c'est moi la solution à votre souffrance. Et donc, c'était pour nous emmener à lui qui nous permet ou qui veut la souffrance dans nos vies. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Si ça vous aide à comprendre, il ne faut pas... Quand on souffre, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est de ça que je vais faire. Au lieu de dire, Seigneur, enlève la souffrance, peut-être on va trop vite à cette solution-là. On devrait dire, Seigneur, je souffre à cause du péché qui est en toi. Ce n'est pas toujours votre péché direct, ça peut être le péché de l'autre. Si moi, j'ai un impact dans ta vie, mon péché peut te faire souffrir. Mais ultimement, si je viens avec toi assez longtemps, tu vas me faire souffrir aussi par ton péché. Hein? C'est le même que ça marche. Tu sais, dans les couples, on se fait souffrir mutuellement parce qu'on pêche mutuellement. Si on ne pêcherait pas, Dieu ne fait pas souffrir, lui, parce que lui, il est dans le sens que lui, il est parfait. Il a permis la souffrance. Dans ma vie, il a voulu la souffrance pour que je me tourne vers lui pour avoir une solution à mes difficultés. Donc, c'est ça que je répondrais dans ce sens-là pour Dieu permet la souffrance ou Dieu veut la souffrance pour que sa justice soit révélée et pour que son amour soit révélé aussi dans ce sens-là. Question qui a rapport à cela ou alors d'autres observations que vous avez pour nous aider à comprendre mieux ce... Si vous comprenez l'anglais ou le français, c'est entre les deux, Don Carson a fait une série de 7 ou 8 études sur le sujet de la souffrance. Sur mon site internet, si vous allez cliquer à gauche sur Don Carson, la coalition, vous allez trouver ça et vous allez pouvoir marquer une petite affaire de recherche, vous pouvez marquer souffrance, ça va vous emmener 7 ou 8 études de cet homme-là qui va vous parler de la souffrance dans la vie du croyant et ça peut vous aider à aller plus loin. Lui, il prend 7 heures, donc il ne prend pas 7 minutes, il prend 7 heures pour expliquer ça. Il va tout définir cela. Et il en vient un petit peu à la même conclusion que je vous donne là, que c'est la justice de Dieu et l'amour de Dieu qui se révèle à travers cela. Il a prêché, je pense que c'est dans la même série, l'amour de Dieu est une doctrine difficile à comprendre. Et il explique un petit peu que nous autres, on trouve difficile de comprendre l'amour de Dieu, parce que notre définition de l'amour est erronée, elle est fausse. Des fois, on dit aux gens « je t'aime » et notre amour, elle est pas correcte. C'est un amour humain, un amour de pécheur, donc elle n'est pas parfaite automatiquement. Et là, on a de la misère à comprendre qu'est-ce que c'est un amour parfait ou un amour divin. On a de la misère à comprendre. Et là, même, on se pose la question, avez-vous déjà dit ou avez-vous déjà entendu dire si c'est ça l'amour, ben aime-en un autre. Hein? Ou alors, ok, tu peux me donner un autre, aime-en un autre. C'est ça l'amour, aime-en un autre. Parce qu'on a de la misère à comprendre, on a de la misère à accepter cette forme d'amour-là, qui est un amour divin, un amour parfait, parce que c'est pas notre compréhension. Quand moi j'écoute les chansons populaires, là, quand on dit je t'aime, là, ça n'a rien à faire avec un Corinthien 13. Ça n'a rien à voir avec un Corinthien 13. C'est une autre forme d'amour que l'être humain s'est inventé dans son péché, dans sa foi. Est-ce qu'on peut l'appeler l'amour? On ne devrait pas, mais c'est comme ça qu'on le fait. C'est comme ça qu'on le décrit aujourd'hui. Ce qu'on appelle amour aujourd'hui est souvent même contradictoire avec l'amour que Dieu a pour l'être humain. C'est pour ça qu'on a de la misère à la comprendre. C'est pour ça que l'être humain rejette l'amour de Dieu. Moi, j'ai souvent entendu dire des inconvertis, si c'est comme ça que Dieu aime, je veux rien savoir de ce que Dieu aime. Comprenez-vous, c'est cette forme d'amour-là, il la rejette, il ne la veut pas. Parce que cet amour-là reprend, corrige, cet amour-là dit non, dit cet amour-là va dans une direction qu'ils ne veulent pas aller, donc ils la rejettent tout simplement, et donc ils ne comprennent pas. Et là, quand Quand Dieu dit je t'aime, ouais, mais pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi tu me fais souffrir? Et dans nos exemples de tous les jours, on croit ça. Quand je vais voir, là, je vais aller voir un médecin comme mon œil, il va me faire souffrir, vous savez ça? Il va me faire souffrir, il va me piquer, il va faire toutes sortes d'affaires. Mais j'accepte la souffrance, pourquoi? Parce que j'espère qu'après, ça va faire moins mal. Il va y avoir moins de souffrance. On accepte certaines formes de souffrance pour éviter une souffrance plus grande. Mais on va chez le dentiste, est-ce que vous font souffrir les dentistes? Ben oui. Pic, pic, pic, puis arrache, puis drill, puis on sort de là, mais on accepte cette souffrance-là qui est momentanée, qui va durer 5 minutes ou 10 minutes, parce qu'on croit qu'après, je vais pouvoir dormir en paix, j'ai plus mal au vent. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu m'aime, mais il me fait souffrir. Mais il espère que je vais comprendre pour que je ne puisse pas souffrir éternellement. Donc, c'est de l'amour. C'est de l'amour dans ce sens.